Sébastien Latour, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'Élise Group, la bande dessinée publiée au Lombard. Le tome 2 vient de sortir et le tome 1 ressort pour la même occasion. Dans cette série, vous nous entraînez dans un monde où certaines personnes ont la faculté d'incarner leurs rêves, des manifestations paranormales que suit de très près une agence secrète, un genre de FBI des rêves, justement le groupe Élise. Comment est né le concept de cette série ? D'études sur New York, le fait qu'il y ait eu cette immigration massive au début du XXe siècle, avec tous ces gens qui amenaient leurs peurs, leurs espoirs, ça m'a laissé penser à dire que tous ces rêves et tous ces cauchemars en même temps qui débarquaient au même endroit, ça pouvait créer un espèce de phénomène paranormal qui ferait en sorte que la nuit, une espèce de tempête des rêves se baladerait au-dessus de la ville et frapperait au hasard les rêveurs et selon rêve ou cauchemar, il y aurait des manifestations pendant la journée justement. Et donc l'apparition de ces abominations allait de toute façon devoir être gérée par des médiums, des agents de terrain. Un drôle de rêve américain tout de même, hein. Un drôle de rêve américain, surtout que le rêve américain est changeant au fil du temps. Donc cette agence-là, ça fait à peu près une centaine d'années qu'elle existe. Donc selon les besoins, on va dire, du rêve américain, qu'est-ce qui est considéré comme un rêve à une époque et qu'est-ce qui est considéré comme un cauchemar. Donc au fil du temps, on traque pas forcément les mêmes bestioles. Voilà donc un solide scénario pour une série. Vous êtes tout jeune scénariste, on peut le dire quand même si vous avez déjà à votre actif la série Witcher. Alors jeune scénariste, ben parce que c'est la vie qui veut ça. Ça fait à peu près 4-5 ans que j'écris des choses. Donc là, j'ai rencontré deux excellents dessinateurs avec le Lombard, mais j'ai encore plein de projets dans les tiroirs qui se développent depuis quelques années. Vous avez une culture assez rock et puis une culture aussi de série. On peut trouver ça aussi dans vos histoires. Mais moi, je suis ce qui s'appelle communément un geek, c'est-à-dire que la pop culture, les séries télé, le cinéma, les comics, la BD, c'est mon univers quotidien. Donc Élise, c'est une espèce d'hybride entre une BD franco-belge classique et des influences comics et de séries, on va dire à tiroir comme Lost ou Heroes, des choses qui prennent un petit peu leur temps de se développer. Donc en ce moment où la BD est de plus en plus axée sur des one-shots ou des séries très très très rapides, moi j'ai une série qui demande 2-3 tomes à se développer et j'espère qu'il y aura une vraie rencontre entre le public et la série qui laisse des puzzles et des mystères au long terme. Sébastien Latour, merci d'avoir répondu à notre appel. Hein. Le groupe Élise, une bande dessinée passionnante à découvrir. Le tome 1 et le tome 2, parus au Lombard, sont en vente libre dans toutes les bonnes librairies.